Padre Don José, quand tu nous as marié, tu m'as dit que l'amour devait durer toujours. Tu m'as dit aussi qu'en priant le ciel, la joie remplit votre vie et qu'en étant fidèle, on garde son mari. Ses louches veulent des pères.